pour accéder à aucun menu. La boîte vocale que vous tentez de rejoindre est présentement pleine. Profitons de ce court moment d'attente pour vous souhaiter une bonne journée. Dans une autre vie. S'il vous plaît, rappelez plus tard.